مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب التمييز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارهم واتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بباب ظرف الزمان والظرف المكان وكذلك الحال. Quel est le synonyme du ظرف الزمان والظرف المكان؟ On peut voir qu'il y a une autre appellation pour cela, pour dharf al-zaman ou dharf al-makan. On peut les appeler aussi comment? Na'am, maf'oulun fihi. Ay, al-maf'oul, l'action qui est survenue dans ce lieu ou bien dans ce temps. Dharf al-zaman ou al-makan, c'est l'action qui est survenue dans le lieu ou bien dans le temps. Faqala rahimahullah ta'ala, par rapport à la définition de zaman, qala dharf al-zaman, qala huwa ismu al-zaman al-mansoub bi-taqdir fi. Na'am. Comment on fait pour le reconnaître? C'est avec le taqdir de fi. Idha salaha taqdiru fi, c'est que ce mansoub là, c'est quoi? C'est un dharf zaman. Dakhaltu al-masjida. Est-ce que al-masjida ça maf'ul fihi, ça maf'ul bihi? On avait pu voir quoi encore comme mansoubat. Est-ce que c'est un maf'ul mutlaq? Tamam. Et bien là, avec le taqdir, ce dhabit là, qui est de qaddar, de sous-entendre le fi, et bien ça te permet de savoir que ce maf'ul là, c'est pas un maf'ul bihi, c'est ni un maf'ul mutlaq, c'est et plus particulièrement dharfu zaman, ou plutôt makan, dharfu makan. Et dakhaltu fil masjidi, dakhaltu fil masjidi. Ensuite, il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, certains des adhuruf, al-yawm, al-layla, on avait donné le sens de tous ces mafhulfi qu'il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, al-yawm, al-layla, al-ghadwa, bukaratan, sahara, ghadan ila akhirihi. On avait pu donner l'essence de ces mots-là. Ensuite, il a évoqué dharf al-makan, c'est la même chose. Donc, peut-être j'avais commencé moi par le makan. Mathalan, comme on avait dit, qumtu as-sa'ata al-wahida. Qumtu as-sa'ata al-wahida. Fa as-sa'ata, est-ce que ça maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, ila akhirihi? Si jamais on peut qaddar fi, c'est que ça maf'ul fi. Qumtu fi as-sa'ati al-wahidati. Donc là, c'est un maf'ul fihi, et plus particulièrement, c'est un dharf al-zaman. Il avait évoqué parmi al-dhuruf al-makan, inda. On a pu voir que inda, la particularité, c'est que on peut l'utiliser comme dharfu zaman et comme dharfu makan. Ala hasab al-mudaf ilayhi. Si le mudaf ilayhi, il indique un makan, il sera dharfu makan. Si jamais il indique un zaman, il sera dharfu zaman. Kumtu inda tulu' al-shams. La kumtu inda tulu' al-shams. C'est un dharfu makan ou bien c'est un dharfu zaman. Kumtu inda tulu' al-shams. C'est makan ou bien zaman là. Non, zaman, parce que le mudaf ilayhi, il a la notion du zaman, tulu' al-shams, au moment où le soleil s'est levé. Jamais j'aurais dit, مثلا, jalastu 'inda babi al-masjidi là-bas, al-masjidi plutôt inda, c'est un zarf makan. Parce que le mudaf ilayhi, il indique un makan, qui est la porte du masjid. Le maf'ul fihi était assez simple. Ensuite, on avait pu voir al-hal. Il avait donné la définition pour al-hal, il avait dit, huwa al-ism al-mansoub al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. C'est le ism qui est mansoub, qui vient éclaircir l'aspect d'une chose qui n'a pas été. Qui a été dissimulé, si on veut dire, enfin, qui a été dissimulé. Non. Il vient pour éclaircir l'aspect d'une chose qui a été dissimulée. Après, il avait évoqué l'exemple, maintenant, Dja Azaïdoun. Si un nom c'était comme cela, Dja Azaïdoun, là, l'aspect de la venue de Zayd, elle n'a pas été éclaircie. Donc là, elle est quoi? Elle a été dissimulée. On ne sait pas. Si on dit Dja Azaïdoun, on va savoir qu'il est venu. Lakin, de quelle manière, de quel aspect a été sa venue? Là, c'est le but du hal, qui vient éclaircir les choses qui ont été dissimulées. Ja Azaydun Rakiban. Il est venu Rakiban. Rakiban, c'est un hal. On a pu voir que Abdu'abid, généralement, pour retrouver le hal, tu poses la question Kaifa. Kaifa Ja Azaydun Rakiban. Ça, c'est généralement. Lakin, dans certains cas, on ne peut pas. Il ne s'applique pas à ce Abdu'abid-là. Lakin, Haliban, avec Kaif, tu peux trouver quoi? Le mafhul, plutôt le hal. Là, on ne peut pas mettre fi il a khiri. Ja Azaydun fi Rakib, c'est pas possible. Et c'est pas mafhul mutlaq, kadhalika, parce que c'est pas le sens et il a khiri. Tout ce qu'on avait vu voir. Et on avait ramené une définition qui est un peu plus complète que celle qu'il avait ramené le mu'allif rahimahullah ta'ala. On avait dit que al-hal c'est une sifa. Waskun fadlatun. Yuthkar li bayan hay'ati al-ism alladhi yakun al-wasfu lahu. Donc c'est un wasf, le hal a le sens de qualifier, c'est un qualificatif. Fadlatun, c'est celui qui n'est pas une umda. Quel est? Non, j'ai répondu en vérité. Lakin, parmi les umad, parmi les choses qui sont des umda, dans les jumla, on avait pu évoquer certains mots qui sont des jumla, qui sont des umda, si tu te rappelles. Non, mubtada wa khabar, ce sont des umad dans les jumla qui sont quoi? Des jumla qui sont ismiya. On a besoin des deux, sinon il n'y a pas de jumla ismiya sans le mubtada et sans le khabar. Et kadhalika, fi'l wa fa'il. Le fi'l et le fa'il. Les deux, ce sont des remèdes dans la jumla qui est fi'liya. On ne peut pas trouver une jumla fi'liya sans fi'l et ni fa'il. Amal maf'ul bihi, ce n'est pas une umda, parce qu'on peut s'en passer. Zahaba zaydun. Là, on s'est passé de maf'ul bihi. Le hal, c'est une fadla, c'est-à-dire c'est ni un mubtada, c'est ni un khabar, c'est ni un fi'il, c'est ni un fa'il. Yuthkar li bayani hay'ati al-ism alladhi yakun al-wasf lahu. On avait vu que par rapport à cette définition-là, ça éclaircit une condition parmi les conditions qui est entre le hal et sahib al-hal, qui est que yani il y a un ittihad baynahuma. Il faut que le hal et sahib al-hal ce soit la même chose. On a pu évoquer que le hal, il a besoin de trois piliers pour qu'on puisse trouver le hal. Donc déjà il faut un hal, il faut deux choses ensuite aussi kadhalika avec lui, si tu te rappelles, pour que le hal yatim bihi wujudahu, afin que le hal il soit présent dans une phrase, il faut qu'on trouve deux choses kadhalika avec le hal. On les avait évoquées, si tu te rappelles. Masha'Allah. Al-amil wa sahib al-hal. La budda min al-ithnay. Al-amil wa sahib al-hal. Sahib al-hal, c'est celui à qui revient le wasf, le qualificatif. Voilà, c'est celui qui dans lequel il y a les comprend l'action. Ja Azaydun. Là, on est venu pour éclaircir la venue de Zayd. Donc, la venue, al-madi, c'est l'amil qui est. C'est l'hadath, l'action qui est comprise dans le verbe ja. La buddhamin. Et Zayd, c'est celui, c'est sahib al-hal. Ensuite, il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, certains des shurut par rapport au hal. Il avait évoqué trois shurut et trois qa'idah. Il avait dit la yakun al hal illa nakara. Le hal il peut être que quoi? Nakara, comme les exemples qu'il a évoqués. Est-ce que ça c'est da'iman ou bien il y a des exceptions? Non, il y a des exceptions. C'est pour ça qu'on a dit al-asl fi al hal an yakuna nakaratan. Il faut qu'il soit indéfini. Est-ce que le hal il peut venir? هل من الممكن أن يكون الحال قبل تمام الكلام؟ Est-ce que le hal il peut venir avant que le kalam soit compris؟ مثلا جاء زيد راكبا. Si on a راكبا جاء زيد, c'est un kalam. C'est mufid. Est-ce que c'est possible que le hal ils viennent dans une position. Oui, c'est possible. Ça, c'est l'asl. L'asl, au final, c'est que c'est. Qui vient après, il y a une barda tamam al-kalam. Lakin, qad yakun qabala tamam al-kalam. Et ça, inshallah, ça va voir dans un autre kitab. Lakin, ça, c'est l'asl. Hal minan mumkin, est-ce que c'est possible que sahib al-hal, il peut être nakira? Est-ce que sahib al-hal, il peut être indéfini? Naam. Et c'est quoi le asl fi sahib al-hal? Qu'il soit défini ou bien indéfini? Ça c'est l'asr, comme l'avait évoqué dans les exemples. Parce que pour qu'on vienne qualifier, il faut que la chose soit quoi? Elle soit déterminée. Il faut qu'elle soit muharrafa. Là, il y a des exceptions, inshallah, comme ça va venir, dans lesquelles tu peux trouver sahib al-hal, il est quoi? Il est nakira. Ça, inshallah, ça va voir dans notre kitab. Donc, ça c'était le résumé de ce qu'on a pu voir dans l'ars précédent. Inshallah, on poursuit. ضمن الباب الباب الجديد الذي هو التمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز لغة c'est pour يعني faire pour différencier. تام. ميزا. تام. ça vient du verbe ميزا. ميزا يميزو تمييزا. ميزا c'est différencier. تام. pour différencier entre deux choses. Il nous dit رحمه الله تعالى التمييز قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. التمييز هو الاسم المنصوب. Donc c'est un اسم qui est منصوب. C'est pour ça qu'il a évoqué dans le منصوبات من الأسماء. قال المفسر لمن بهم من الذوات. Il a un peu la même définition que الحال, sauf que الحال il vient pour décrire un aspect qui a été dissimulé, tandis que lui il vient pour décrire الذوات. لكن ça c'est une définition qui est incomplète. Celle qu'il a évoquée, elle est incomplète. Il a évoqué une partie de du تمييز. Et on va voir Kazalika qui est un autre sort de tamiz. Lakin lui il a évoqué une partie parmi la tamiz. Qala nahwu qawlika tasabbaba zaydun haraqa. Tasabbaba zaydun haraqa, et zaydun il a transpiré. Zayd il a transpiré. Tasabbaba ça veut dire qu'une chose yani, a coulé de son corps. Zaydun ma'ruf wa haraqa c'est la sueur. Zayd il a sué. On aurait pu dire tasabbaba haraqu zayd, la sueur de Zayd a coulé. Lakin kazalika on peut ramener un autre type d'expression et le ramener sous la forme d'un tamiz. Tasabbaba zaydun haraqa, et ça a une sorte de balara, une éloquence dans le parler. Tasabbaba zaydun haraqa. Naam. Faha huna, si jamais on serait arrêté, on n'aurait pas évoqué un tamiz qui est haraqa huna. Si jamais on aurait dit tasabbaba zaydun, là on ignore la chose qui a coulé de Zayd. Hal huwa al-haraq, hal huwa al-dam, est-ce que c'est la salive, est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est des pleurs, et la akhirihi, est-ce que c'est, on ignore la chose, le liquide, c'est cette espèce de liquide qui est sorti de Zayd. Tasabbaba Zaydun, le rôle du tamiz, il vient pour éclaircir une chose qui a été dissimulée, qui est en relation avec l'être, qui est Zaydun hahuna. Zawat, c'est le jam de Zatun. Zawat, c'est le jam de Zat, et Zat, c'est un être, c'est comme Nafs, Nafs. قال تسبب زيد, on se tait, on sait pas la chose qui a coulé de Zayd. Le but du tamiz, comme il a dit, al mufassir, il vient éclaircir man bahama min al-dhawat, la chose qui a quoi été dissimulée, qui est en relation avec l'être. Et là la chose qui a été dissimulée qu'on est venu éclaircir, c'est quoi? C'est al-haraq. تسبب زيد حرقا, on aurait pu dire daman, on aurait pu dire luhaban, on aurait pu dire bukaan ila akhirih. Lakin, on est venu avec le tamiz afin de différencier entre les choses qui sont muhtamal, qui sont probables d'être évoquées à Zayd parmi les tamizat. Lakin, on est venu avec celui-là pour éclaircir que la chose qui a coulé de Zayd, c'est quoi? C'est la sueur et non pas le sang, et ni les larmes, et ni kazalika, sa salif. Donc, ça, c'est le rôle du tamiz. On revient, inshallah, c'est pour éclaircir la définition qu'il a ramené le mu'allif, rahimahullah ta'ala. Lakin, on va éclaircir, on va plutôt donner la définition qui est juste et qui est complète. Le tamiz, il faut dire, c'est l'ismu nakira yuthkar tafsiran lil mubham min dhatin aw nisbatin. On répète, ismu nakira, donc c'est un nom qui est indéfini. Yuthkar tafsiran lil mubham, qui vient pour éclaircir une chose qui n'a pas été éclaircie. Un mubham, c'est une chose qui n'a pas été éclaircie, dont on ne connaît pas sa nisba. Min dhatin aw nisba, une chose qui s'apparente à lui. Donc là, la chose qu'il avait oublié d'évoquer, rahimahullah ta'ala, d'évoquer, c'était al-misbah. S'il aurait dit mathalan huwa al-ism al-mansub al-mufassir liman bahama min al-dhawat ou min al-nasab, ça aurait été une définition qui est proche d'être bonne. Lakin, le fait qu'il s'arrête à dhawat, il a oublié un qism, parce qu'on va voir que at-tamiz yanqasim al-mam ila qismayn, dhat et nisbah. Donc la définition qui est bonne à dire, c'est tamiz, on dit ism nakira. Déjà on sait que c'est un nakira. On ne peut pas trouver un tamiz qui vient quoi? Qui est ma'rifa. Ism nakira yuthkaru tafsiran lil mubhami min dhatin ou nisbatin. Et lorsqu'il dit al-dhat, on va voir c'est quoi en vérité? C'est la mesure. Une mesure. Ou bien al-nisba, une chose qui va être apparentée à un être. Donc ça c'est la définition du tamiz. Et le tamiz, la personne peut se dire, mais le tamiz, même par rapport à la définition, on voit que c'est un peu proche du hal. Comment on fait pour reconnaître un tamiz d'un hal? C'est simple. Un tamiz, il est sous-entendu avant lui, min. Il est sous-entendu avant lui, min. Pourquoi? Parce que un tamiz, c'est un bayan. Et le min, min ma'anihi al-bayan. Lorsqu'on dit tasabba zaydun, ay min haraqin. Min ma'za tasabba zaydun, min haraqin. At-tamyiz, c'est celui qui est à la taqdir min. Celui qui est à la taqdir min, c'est-à-dire que tu peux lui mettre juste avant lui min. Si jamais saluha al-jumla bihi, si jamais le sens est bon, lorsque tu rajoutes le min, sache que ce ism mansub, c'est un tamyiz. Maintenant, si on prend le hal, un exemple par rapport au hal qu'il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, il avait dit laqitu abdallahi rakiban. Là, tu as un doute. Est-ce que rakiban, c'est un tamyiz? Est-ce que c'est un hal? Est-ce que c'est ceci, cela? C'est simple, mais min à la phrase laqitu abdallah min rakibin, ça n'a aucun sens. Laqitu abdallah min rakibin, là, donc c'est clair et net que rakiban huna, c'est pas quoi? C'est pas un tamiz. Car si jamais ça aurait été un tamiz, saluha fihi taqdiru min, on aurait pu sous-entendre min, et comme c'est pas le cas, donc c'est pas un tamiz. L'exemple qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, tasabbaba zaydun araqa, est-ce que c'est un hal? Est-ce que c'est un tamiz? Sous-entend min avant le ism mansub qui est quoi? Araqa. Tasabbaba zaydun min araqin. Donc là, c'est clair et net que ça peut être que quoi? Qu'un tamiz. Parce que min, il a été sous-entendu et saluha fihi. Al-jumla li mustaqima avec le taqdir de fi. La jumla li a un sens avec la chose qu'on a sous-entendue qui est min. Donc là, ça peut être que quoi? Un tamiz. Donc le dhabit pour reconnaître al-tamiz, c'est que il a la taqdir min. Il a la taqdir min. Ce tamiz là, il y a un min qui est sous-entendu. Il y a un min qui est sous-entendu. C'est pour ça qu'en vérité, il a dit, quand il a dit, huwa al-ismu al-mansub, en vérité, le tamiz, il n'est pas da'iman mansub. Il n'est pas da'iman mansub parce qu'il y a des choses qui sont comptées comme des tamiz et dont le harf jar l'a évoqué. J'aurais pu dire, tasabbaba zaydun min araqin. La personne, lorsqu'elle a fait l'arabe, مثلا تصبب فعل ماضي مبني على فتحة زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره من حرف جر عرقين اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. لكن en vérité ce من عرقين c'est quoi? C'est un tamiz, parce que si jamais on enlève min, on peut le mettre en mansoub. On peut le mettre en mansoub. Pour ça que certains, ils ont pas évoqué ism mansoub, ils ont dit ism nakara. Lui, il n'a pas évoqué qu'il est nakara. Et ça, c'est plus important. Parce que le tamiz, il est toujours nakara. Il est toujours nakara. Qu'il soit avec taqdir min ou pas. Donc, on répète la définition vite fait. Huwa at-tamiz ismu nakara yuthkaru tafsiran li mubhami min dhatin ou nisbatin wa huwa ala taqdir min. Hada huwa. Donc, là, on a la définition et le dhabit qui nous permet de reconnaître le tamiz. Naam. At-tamiz, par rapport à la définition que je vous ai apportée, la deuxième, ism nakara yuthkaru tafsiran li mubham min dhatin aw nisbatin, cette définition là elle nous fait part que at-tamyiz yanqasimu ila qismayn. At-tamyiz, il se divise en deux parties. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dans sa définition, il a évoqué une partie qui est al-dhawat, et en plus dans sa définition qu'il a apporté par rapport aux exemples, les exemples qu'il a ramenés, c'est des exemples qui sont pour le tamyiz qu'on appelle tamyiz al-nisbah. Donc Inch'Allah, on va procéder à l'explication du tamiz al-nisbah par rapport aux exemples qu'il a ramené al-mu'allif rahimahullah ta'ala. On va ramener la définition, la catégorie qui est propre à chaque exemple qu'il a évoqué rahimahullah tabarak wa ta'ala. Et la suite, Inch'Allah, les autres noms de tamiz qui est tamyiz al-dhat, inshallah, ce sera dans un autre kitab, histoire de se contenter de ce qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala. Comme c'est une chose qui est assez, au début, qui est peut-être, qui peut paraître un peu difficile à cerner le tamyiz, donc on va se contenter vraiment de ce qu'il a évoqué, le mu'allif, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, et c'est le but, inshallah, du kitab, c'est que tu comprennes le kitab, et non pas, yani, tout ce qui est en relation avec, mathalan, le tamyiz, le fait que tu comprends le kitab, et inshallah, dans un autre kitab, on va approfondir les choses qui sont en relation avec le at-tamyiz. Donc on reprend du début. Qual at-tamyiz wa ismu huwa al-ism al-mansub al-mufassir liman bahama min al-dhawat. Donc là il va nous parler, il nous laisse entendre qu'il va parler du tamyiz al-dhat, lakin c'est pas le cas. On va expliquer inchallah qu'est-ce que le tamyiz al-dhat. Qal nahwa qawlika tasabbaba zaydun araqa. Tasabbaba zaydun araqa. التمييز هنا سقى عرقا سين في الاعراب كما نقول تسبب فعل ماضي مبني على الفتحه زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره عرقا تمييز منصوب وعلامه نصبه تمييز منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره كما نسوي سيت ان تمييز اون امي من avant تسبب زيد من عرق فاذا صلح ان يكون عرقا تمييزا دونك سي بوسيبل يعني plutôt يعني عرقا يبقى être que il peut être que tamiz. قال تفقع بكر شحما. تفقع بكر شحما, ça veut dire que le sens qui est voulu dans cette expression là, lorsqu'on dit تفقع فلان شحما, c'est à dire que yani, il est tellement mashallah yani, on va pas dire obèse, lakin il y a tellement il a de la graisse dans son corps que sa peau ça fait comme si jamais il y avait quoi, des fissures. Si vous avez pu remarquer sur certaines personnes, on voit des fois il y a des fissures qui sont sur le bras, surtout vers les épaules, vers le pectoral et tout ça. Ça c'est quand la personne elle est en forme, ou ceux qui font de la musculation et que le muscle il se développe, ça fait des espèces de fissures. Enfin, ça c'est le marnat de cette expression là. Tafaqqa'a bakrun shahma, c'est-à-dire que sa peau il y a des fissures. Fa huna Shahma, c'est le tamiz. Comme on a su, parce qu'on a mis le taqdir de min. Tafaqqa'a bakrun min shahmin. Min shahmin. Donc ça peut être quoi? Qu'un tamiz. Tu vois, ismu mansub, est-ce que c'est un tamiz ou pas, mais min? Et tu vas voir que c'est un ismu tamiz. Qala, bon, on va faire les harab. Tafaqqa'a fi'al ma'adin mabni, ala al-fatha. Bakrun fa'ahilu al-marfu' wa ala mutarrafihi al-dhamma al-zahira fi akhirihi. شحم تمييز منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره قال طاب محمد نفسا طاب محمد نفسا أي محمد إن أبون أتر طاب محمد نفسا فالتمييز هنا سيكون نفسا كما on a pu savoir parce qu'on peut قدر من طاب محمد من جهة نفسي من جهة نفسه طاب محمد من جهة نفسه تام. Donc la mine, il est quoi? Il est sous-entendu. Donc l'i'raf, c'est la même chose. Taba, c'est un fi'al. Muhammadun, c'est le fa'il. Et nafsan, c'est at-tamiz. Qala ishtaraytu 20 ghulama. Ishtaraytu 20 ghulama. Ghulaman, kathalika, c'est un tamiz. Bidalil, que tu peux faire un taqdir de min. Ishtaraytu 20 min ghulamin. J'ai acheté 20. Ishtaraytu 20 ghulaman. Non, ça c'est, si jamais ce sont des esclaves. J'ai acheté 20 enfants parmi les esclaves. Parmi les esclaves. Ishtaraytu 20 ghulama. Si on fait l'arabe, ishtaraytu fi'l al-madi mabni 'ala as-sukun. L'ittisalihi bi damir mutaharrik fi mahal rafa'i qui est le ta'tu. 20 maf'ul bih. Mansub bil fi'l wa 'alamat nasbihi al-ya. Niyabatan 'an al-fatha li'annahu ملحق بجمع مؤنث بجمع مذكر السالم تمام وبعد يعني لانه جمع مذكر سالم باسكو لاي با ايفوكي الملحق وغلاما تديرا سي ان تمييز منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره ولا كوني باسكو يا لو تقدير دمي قال ملكت 90 نعجه ملكت 90 نعجه النعجه سي لا بروبي تمام ملكت اي جي 90, j'ai 90 nahja, brebis. J'ai en ma possession 90 brebis. Malaktu 90 nahjatan, est-ce que nahja c'est un tamiz ou pas? Naam, c'est un tamiz. Limada, c'est quoi le dalil? C'est qu'on peut qadlar min. Malaktu 90 min nahjatin. Donc malaktu katharika, fi'l al-madi, il est mabni 'ala al-sukun. Le ta, c'est un damir qui est muttasil, qui est fi mahal rafa'il, tis'in, kadhalika, c'est mafhoul bihi, mansouf bil ya, niyabatan al fatha. Elle est remplacée le ya par la fatha parce que c'est un jamu dhakar salim. Wa na'datan, c'est le tamiz mansouf bil fi'l, wa na'matanas bihi al fatha al zahira fi akhirih. Qala zaydun akramu minka aba. Zaydun akramu minka aba. C'est une sorte d'expression d'âme, c'est pour dire que Zayd, c'est un père qui est beaucoup plus généreux que toi. Zaydun akramu minka aban. C'est un père beaucoup plus généreux que toi. C'est une manière de s'exprimer. On aurait pu dire Zaydun abun akramu minka. On aurait pu dire cela. Le tamiz هنا, c'est quoi? C'est aban. Ay Zaydun akramu minka min jihati al-ab ou min kounihi ab. Parce que yani, c'est un père. أجمل منك وأجمل منك وجها. Et il a un visage qui est beaucoup plus beau que le sien. وأجمل منك من جهة الوجه. من جهة الوجه. Le premier c'était plus, il fallait dire أكرم منك من جهة الأب. Lorsque tu vois que مثلا زيد أكرم منك أبا, tu peux pas dire مثلا, ça fait bizarre de dire زيد أكرم منك من أب. Lakin, tu sens que la jumla a un sens, lakin, il manque quelque chose. Tu peux rajouter jiha, tam. Jiha, yani, en prenant en considération, tam, le côté de. Tam. Tu peux rajouter jiha des fois, tam. Comme on a pu évoquer dans le début, c'est avec Taba Muhammadun Nafsan. Et Taba Muhammadun min jihati Nafsin. Tam. Les exemples qu'il a évoqués, rahimahullah ta'ala, pour la plupart, ils ne s'appliquent pas au tamiz qui s'appelle tamiz al-dhat. Tamiz al-zat, yani c'est al-maqadir, c'est-à-dire que c'est les mesures qui sont sous-entendues, qui sont évoquées après. Que ce soit al-hadad, que ce soit au niveau de naam al-masahat, c'est-à-dire la superficie des choses, que ce soit au niveau du kayl, le poids, que ce soit au niveau de la mesure, tamam. Il y a une mesure, ou bien un poids, ou bien une surface, ou bien un hadad, tamam, un nombre qui est évoqué. Ça, c'est ce qu'on appelle tamiz al-zat. Tamiz al-zat, c'est celui qui, yani bi-ma'na al-maqadir. الذي يكون التمييز فيه من المقادير. التمييز il fera partie des maqadir. Comme il a évoqué avec اشتريت 20 غلاما. 20 غلاما نعم. Ça c'est un تمييز ذات. لماذا? Parce que il y a eu, comment ça s'appelle, il y a un عدد avec. 20 غلاما. 20 غلاما. 20 enfants. Jeune homme. Donc celui-là on appelle تمييز ذات. Pourquoi? لأن يتعلق بالعدد. Il y a une relation de quoi? De عدد. تمييز الذات on répète, c'est celui تمييز الذات الذي هو بمعنى المقادير. تم pour les mesures. تم que ce soit من عدد, un nombre, تم des chiffres, من مساحة, surface, من كيل أو وزن, تم c'est la même chose, le كيل et le وزن. تم enfin c'est le كيل c'est le وزن c'est la mesure et le كيل c'est le poids. نعم donc عدد مساحة كيل ووزن. نعم c'est ça, les quatre choses, une unité de mesure ou de poids, un nombre et ou bien comment ça s'appelle, une surface. Enfin celui-là, si jamais il y a cette unité de mesure qui est évoquée dans le tamiz, avec le tamiz on va l'appeler tamiz ذات. Donc là si on regarde dans les exemples qu'il a évoqués, il y en a qu'un. تسبب زيد عرقا. Est-ce que عرقا est une notion de mesure, de poids, de surface, in akhirihi? Là. Donc ce n'est pas un tamiz ذات. تفرق بكر شحما. Est-ce que شحما كذلك? Dans la phrase, il y a une notion de unité, in akhirihi? Là. Il n'y a pas de maqadir qui est évoqué. طاب محمد نفسه. كذلك il n'y a pas d'unité qui est évoquée. De mesure. اشتريت 20 غلاما. نعم. Là, c'est un tamiz ذات. ملكت 90 نعجة. Là. نعم كذلك celui-là, c'est un tamiz ذات. Parce qu'il a évoqué 90. Zaydun akramu minka aba. Est-ce qu'il y a une notion de mesure? La kazarika. Ajmalu minka wajhan. Kazarika, il n'y a pas de notion de mesure, donc ça ne peut pas être tamiz dhat. Donc il y a deux exemples qui s'appliquent avec la définition qu'il a évoquée, al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, qui sont ishtaraytu 20 ghulama wa malaktu 90 na'jatan. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de mesure, qui est là, هنا, al-adad. Et les autres exemples qu'il a évoqués, rahimahullah ta'ala, c'est la catégorie qu'on appelle tamiz al-nisba. Tamiz al-nisba, dans lequel tu vas évoquer la chose qui va éclaircir ce qui a été dissimulé et qui s'apparente à la chose qui est avant lui. Comme c'est le cas avec tasabba zaydun araqa. Araqa, c'est un tamiz nisbah. Parce que là, on vient apporter, éclaircir la chose qui a été dissimulée, qui s'apparente à qui ? À Zayd, qui est en relation avec Zayd. En fait, c'est ça. Il faut que tu, si jamais tu connais tamiz al-dawat, ce qui est en dehors de tamiz al-dawat, et dans lequel il y en a, si jamais tu vois, ismu mansouf, et que tu peux mettre min, ça peut être que quoi ? Taqdir, ça peut être que tamiz al-nisbah. À tamiz, il n'y a que deux sortes de tamiz. Al-dawat, c'est les mesures. Si jamais ce n'est pas le cas, tamiz al-nisbah. T'as fait, maintenant t'as trouvé une phrase, t'as sabba Zaydun haraqa. T'as pu trouver min. T'as sabba Zaydun min haraqin. Ensuite tu te dis, est-ce que c'est un tamiz dhat ou bien nisba? C'est simple. Regarde dans la phrase, est-ce qu'il y a une notion ou bien une mesure qui a été évoquée? Si jamais c'est pas le cas, eh bien on va l'appeler tamizu nisba. Et celui qui va éclaircir la nisba, la chose qui s'apparente à lui, qui revient à lui, qui est en relation avec lui et qui a été dissimulée. T'as sabba Zaydun, si y a mon stère, on ne sait pas qu'est-ce qu'a coulé de Zayd. Araqa. Est-ce que c'est un tamiz dhat ? Là, parce qu'il n'y a pas de mesure. C'est un tamiz nisbah. Donc là, on a les deux cas de tamiz qui sont évoqués dans le tamiz. Tamiz dhat ou bien al-zawat. Il y a d'autres noms, laquelle j'ai oublié. Et tamiz al-nisbah. La définition de tamiz al-nisbah. Makana mufassiran li jumlati mubhamatin al-nisbah. Makana mufassiran li jumlatin mubhamatin nisbah, c'est celui qui va éclaircir la phrase dans laquelle a été dissimulée la chose qui s'apparente à la chose qui avant tamiz, comme c'est le cas ici, tasabba zaydun, si on se tait, la jumla on sent qu'il manque quelque chose qui revient à zayd, c'est quoi ici, c'est haraq, c'est haraq, donc c'est quoi makana mufassiran li jumlati mubhamati nisbah hasuna aliyun khuluqa. Ça, kadhalika, c'est un tamiz nisba. C'est un exemple que moi j'ai ramené. Hasuna aliyun khuluqa. Huna, si j'ai mon stade, déjà, est-ce que awalan c'est un tamiz ou pas? On met le taqdir. Est-ce qu'on peut, on peut mettre min? Hasuna aliyin min. Hasuna aliyin, aliyun plutôt. Hasuna aliyun min khuluqin. Ou min jihati khuluqihi. Fahaona le min, il peut être sous-entendu. Donc là, c'est un tamiz. Est-ce que c'est un tamiz dhat ou bien c'est un tamiz nisba? Là, c'est un tamiz qui est quoi? Nisba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, de mesures qui ont été évoquées. Donc ça peut être que tamiz et nisba. Celui qui vient éclaircir la nisba qui est entre quoi? Qui est en relation, qui revient à Ali ici. Qui est quoi? Al-khuluq, le comportement. On aurait pu dire Hasuna aliyin shaja'atan. Hasuna aliyin. Hasuna aliyin quwwatan ila akhirih. On aurait pu évoquer n'importe quoi. Ça, c'est le but du tamiz qui vient fermer la porte à toutes les probabilités et d'évoquer la chose qui est vraiment qui s'apparente à lui et qui est en relation avec cette chose-là. Alors, la même chose pour tous les exemples qu'il a évoqués. Tafaqqa'a bakarun shahma. Taba Muhammadun nafsa. Tout ça, c'est tamiz nisba. Il faut savoir que at-tamiz an-nisba yanqasimu ila qismin kadhalika. Ça, on est obligé d'évoquer afin d'évoquer le hukm. Parce qu'il a évoqué un hukm à la fin. Et ce hukm-là, il s'applique à une catégorie parmi les catégories, pas à toutes les catégories. Donc, on est obligé, par rapport au hukm qu'il a évoqué à la fin, rahimahullah ta'ala, qu'on va dire à la fin, inshallah, on est obligé d'évoquer que le tamiz al-nisba, celui dont il n'a pas été évoqué la mesure, l'unité, la quantité et la khirihi, tamam. ينقسم الى قسمين تان تمييز نسبه محول وان تمييز نسبه غير محول تمييز النسبه ينقسم الى قسمين تمييز النسبه محول وتمييز النسبه غير محول محول c'est-à-dire que à la base ce tamyiz là il avait un autre i'rab lakin dans la jumla dans laquelle il a été dans laquelle il a le rôle de tamyiz il a été son i'rab il s'est transformé en tamiz. C'est pour ça qu'il l'a appelé muhawwal. C'est-à-dire qu'il s'est transformé en une autre chose. À la base, c'était une chose et il a été transformé en tamiz. Mathalan, si jamais on prend le premier exemple qu'il a évoqué. Tasabbaba, on va prendre celui qui est tamiz nisba muhawwal. Celui dont à la base le tamiz n'était pas un tamiz, lakin une autre sorte d'arab. Mathalan, le premier exemple. Tasabbaba zaydun araqa. تصبب زيد عرقا اساسا تمييز نسبه محول comment je le sais car يعني عرق à la base on aurait pu dire تصبب عرق زيد تصبب عرق زيد j'aurais pu dire cela La sueur de Zayd a coulé. Tasabbaba araqu Zaydin. Dans la phrase Tasabbaba araqu Zaydin, araqu huna c'est quoi? C'est un fa'il. Tasabbaba, fa'il al madin, araqu c'est le fa'il marfou' et il est mudaf, wa Zaydin il est mudaf ilayhi. Donc à la base, dans Tasabbaba Zaydun araqa, le araqa huna qui était mise à la base c'était un quoi? C'était un fa'il. Lakin huwila, parce que j'ai le droit de m'exprimer de plusieurs manières dans la langue arabe. De la manière dans laquelle je vais évoquer un tamiz et dans la manière dans laquelle je ne vais pas évoquer le tamiz. Et les deux, ce sont des lourahs qui sont fasiha, qui sont éloquentes. Lakin, tu as le choix, c'est éloquent. Et Allah Azzawajal, il a beaucoup évoqué ça dans le Coran. On va évoquer, Inch'Allah, les exemples. Fatasabbaba Zaydun Araqin, là c'est quoi? À la base, c'était un fa'il. Plutôt, Tasabbaba Zaydun Araqa, à la base, Araqa, c'était quoi? Un fa'il. Il faut savoir que le tamiz anisba al-muhawwal, il peut être muhawwal min fa'il ila tamiz, comme c'est le cas avec tasabbaba zaydun araqa. À la base c'est un fa'il, tasabbaba araqu zaydin, fa huwila araqa min al-fa'il. À la base son état c'est un fa'il et on l'a transformé en tamiz. Il peut être cas avec le tamiz anisba, celui qui n'est pas en relation avec une mesure, unité et akhirihi, quantité. Il peut être kadhalika huwila min maf'oulun bihi ila tamiz. Il peut être à la base aussi un maf'oulun bihi et ensuite on l'a transformé en tamiz. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa fajjarna al-arda uyuna. Wa fajjarna al-arda uyuna. Fa uyuna, huna c'est quoi? C'est le tamiz. Fajjarna al-ard min Uyunin. Min, uyunin. Donc le fait qu'on a pu mettre min, donc là ça peut être quoi? Qu'un tamiz. Est-ce que c'est un tamiz nisba ou un tamiz dat? C'est un tamiz qui est quoi? Nisba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion d'unité, de quantité et l'akhiri. Donc c'est un tamiz nisba. Est-ce que c'est un tamiz nisba muhawwal ou ghayr muhawwal? Celui-là il est muhawwal, d'un maf'ul bihi à la base. Parce que en dehors du Coran on aurait pu dire wa fajjarna uyun al-ard. Uyun al-ard. Fa à la base, Uyuna, c'est un maf'oulun bihi, comme tu peux le voir dans la phrase. Wafajjarna uyuna al-ard. Uyuna huna, c'est un maf'oul bihi. Il est mudaf, l'ard, il est mudaful ilayhi. Donc là, il a été huwila min maf'oulun bihi ilash ila tamiz. Kadhalika, il peut être muhawwal min mubtada'in ila tamiz. Donc celui à la base, c'est quoi? Le tamiz et nisba, c'était un mubtada. Comme kadhalika dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ana aktharu minka malan. On va s'arrêter là, n'am. Ana aktharu min al-aya continue, lakin le shahid c'est celui-là. Ana aktharu minka malan. J'ai plus d'argent que toi. Ana aktharu minka malan. Il où le tamiz? C'est malan. Comme on a reconnu le tamiz, c'est qu'on a pu mettre min. Ana aktharu minka min malin. J'ai plus d'argent que toi. Ana aktharu minka min malin. Donc c'est un tamiz. Est-ce que c'est un tamiz nisba ou bien c'est un tamiz qui est... Il recommence. Ou bien c'est un tamiz qui est nisba ou un tamiz dat. Là c'est un tamiz kadhalikin qui est nisba. Parce que c'est pas une unité. C'est pas une mesure. C'est pas un poids. C'est pas un hadad. Donc ça peut pas être un tamiz. Et c'est pas une surface il a réalisé. Donc ça peut être que quoi? Un tamiz nisba. Nisba muhawwal ou ghayr muhawwal. Celui-là kadhalikin il est muhawwal. Parce que à la base de le ma'alan c'était quoi? C'était un mubtada. Ma'ali. Parce que lorsqu'on a dit ana. Ana, c'est un damir qui est quoi? Munfasil. C'est quoi l'équivalent de ana lorsqu'il est muttasil? C'est le ya. Le ya. Le ya avec la sukun. Donc là, on fera quoi? Mali aktharu minka. C'est une phrase qui est quoi? Mufida. Ana aktharu minka malan. C'est l'équivalent de dire mali aktharu minka. Mon argent, ça se dit pas, lakin, mon argent est beaucoup plus nombreux que le tien. Fa. Malan huna qui était tamiz, à la base c'était quoi? C'était un mubtada. Huwila min al mubtada ila al tamiz. Fal tamiz, comme on a pu évoquer, yanqasimu ila qismayn, dhat wa nisba. Wal tamiz wa nisba kadhalika yanqasimu ila qismayn, muhawwal wa ghayr muhawwal. Wal muhawwal, il peut être un tahwil min fa'il ila tamiz. Tasabbaba zaydun araqa, ay tasabbaba araqu zayd. Ou min maf'oulun bihi ila tamiz. Wa fajjarna al-arda uyuna. أي وفجرنا عيون الأرض. كذلك يبدخ يعني أن تميز من مبتدأ إلى تميز. تمام. أنا أكثر منك مالا أي مالي أكثر منك. فصل التمييز النسبة المحول. Quel est le hukm de ce tamyiz qui est nisba muhawwal da'iman mansub? Il est tout le temps mansub. Tu ne peux pas trouver le tamyiz nisba muhawwal qui est majrur. Ça n'existe pas. Il est da'iman mansub. Ça, c'est son hukm. Enfin, lorsqu'il a dit, ce hukm-là qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, il s'applique au tamyiz nisba al-muhawwal. Et pas à toutes les sortes de tamyiz. Parce que le tamyiz al-dhat, celui-là, il peut être mansoub comme il peut être majrour bi al-harf al-jar ou bien bil idafa. Inch'Allah, on va revenir. C'était juste yani, pourquoi on a ramené ce tafsil-là par rapport au tamyiz yanqasim ila nisba wa dhat wa nisba ila muhawwal wa ghayr muhawwal, c'était par rapport à ça. Par rapport au hukm, parce que là, il a évoqué un hukm dans lequel il a généralisé. Celui qui prend al-ajrumiyya et qui le lit, il va penser que le tamyiz la yakun illa mansouba. Ça, c'est pas vrai. De dire le tamyiz est tout en mansoub. Il y a des sortes de tamyiz qui ne sont pas mansoub. Comme le tamyiz that. Il peut être mansoub comme il peut ne pas l'être. Amma celui qui est da'iman mansoub, c'est quoi? C'est le tamyiz al-nisba al-muhawwal. Amma ce qu'il a évoqué, c'est vrai. Qala la yakun al-tamyiz illa nakara. Comme on a pu voir au début dans la définition du tamyiz. On avait dit ismu nakara. يذكر تفسيرا للمبهم من ذاتي أو نسبة. وقال لا يكون إلا بعد تمام الكلام. نعم كذلك تمييز il peut être, il peut venir qu'à la fin, qu'après que la jumla elle est tam, elle est mufida. أما qui vient avant, مثلا si on aurait dit, je ne sais pas l'exemple qu'il a évoqué comme exemple, تصبب زيد عرقا, on ne peut pas dire تصبب عرقا زيد, ça n'existe pas ça. تصبب عرقا زيد, là le tamyiz il est venu قبل تمام الكلام. تصبب زيد عرقا. On revient par rapport au hukm. Le hukm qu'on a évoqué par rapport au tamyiz al-nisba al-muhawwal, il est da'iman mansoub. Il est da'iman mansoub. كذلك on va évoquer un autre hukm par rapport à l'exemple qu'il a évoqué rahimahullah ta'ala, qui est avec le ismu tafdi. Lorsqu'il a dit Zaydun أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. Ça, كذلك, ça fait partie du tamyiz al-nisba. لكن là, c'est un tamyiz nisba غير محول. Et qui n'a pas été transformé à la base. C'est un tamyiz. Il n'a pas, comment ça s'appelle, une autre nature que le tamyiz. Amal muhawwal, n'am, il a une nature autre que le tamyiz, comme on a pu le voir. Il peut être fa'il, maf'ul bihi, ou bien mubtada. Amal celui-là, c'est un tamyiz nisba ghayr muhawwal, qui n'a pas une autre nature que le tamyiz. Fahuna aban, il n'a pas d'autre nature. Ça, mais tu veux essayer, tu ne pourras pas trouver qu'il est soit fa'il, ou soit maf'ul bihi, ou bien soit mubtada. Tu peux essayer la phrase dans tout, tu peux la tourner dans toutes les sortes de. De tournure, tu ne vas jamais trouver Aban qu'il a une autre nature que quoi que le fait qu'il soit tamyiz. Donc là, c'est un tamyiz qui est quoi? Nisba, parce qu'il n'y a pas de notion de hadad, il n'y a pas de notion de mesure, de quantité, de surface et l'akhiri. Donc c'est un tamyiz nisba. Lakin celui-là, il est quoi? Ghayr muhawwal. Et c'est un tamyiz. Kadhalika, wa ajmalu minka wajhan. Pareil, celui-là, il ne change pas, c'est un tamyiz qui est comme il est. Ils ont évoqué un jugement par rapport à ce. Genre de tamyiz là qui est le tamyiz ghayr muhawwal. On a pu prendre celui qui est muhawwal, il est da'iman mansoub. Amma celui qui est ghayr muhawwal, il n'est pas forcément da'iman mansoub. Mata yakun al-ismu al-nisba ghayr muhawwal mansouba, si jamais, comme qu'alu, idha kana al-ismu al-tafdil. نعم يجب نصبه ما لم يكن من جنس ما قبله إسراء منصوب إذا كان التمييز النسبة غير محول تعمل اسم تفضيل دسولة يجب نصبه ما لم يكن من جنس ما قبله من جنس ما قبله. الآن si jamais on prend le cas de أجمل منك وجها Là, il évoque Ajmalu Minka, ay Anta, et Wajhan. Est-ce que Anta, il est Mindins Wajhan? Est-ce que il est de la du même genre que Wajhan? El Waj et Anta, c'est deux choses différentes. Donc là, il est obligé d'être mansoub. Pourquoi? Parce que Wajhan, c'est un tamiz déjà qui n'est pas muhawwal. Ensuite, on regarde. Est-ce qu'il est mansoub ou bien est-ce qu'il peut être majrour? Parce qu'on va voir, il peut être aussi kazalika majrour. On regarde le tamiz et celui vers qui le tamiz est venu pour apporter cet éclaircissement. Est-ce qu'ils sont du même genre? Là, ce n'est pas le cas. Ajmalu minka wajhan. Wajhan, c'est un genre. Et anta, c'est un autre genre. Donc là, il est obligé d'être mansoub. On n'aurait pas pu dire ajmalu minka min wajhan. Ça, c'est interdit. Tu ne peux pas dire cela. Ajmalu minka min wajhan. Il est sous-entendu. لكن هل يجوز لك أن تذكره؟ لا. Tu peux sous-entendre, لكن t'as pas droit de l'évoquer. Le sous-entendre pour reconnaître le tamiz, لكن si jamais tu t'exprimes et tu dis أجمل منك هو أجمل منك وجها, tu dis أجمل منك من وجه, لا. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Il peut être que منصوب. أما si jamais le tamiz النسبة غير محول, il est d'un même جنس. Dans ce cas-là, yajuz laka, ou plutôt yajib laka, jarruhum bil idafa, il sera pas mansoub. Ça, c'est pour, en réponse de ceux qui disent que le tamiz est daïman mansoub. Il n'est pas daïman mansoub. Parce que si jamais c'est un tamiz, ghair muhawwal, et qu'entre sahib tamiz et le tamiz, ils sont du même genre, dans ce cas-là, il est obligé d'être majrour. Mathalan, si jamais je dis, anta afdalu talibin. Anta afdalu talibin. C'est impossible de dire هنا أنت أفضل طالبا. C'est impossible. أولا, on regarde la phrase. أنت أفضل طالبا. Est-ce que c'est un tamiz? نعم. أنت أفضل من جهة طالب. نعم. Donc là, c'est un tamiz. Est-ce que c'est un tamiz ذات ou bien tamiz nisba? C'est un tamiz qui est quoi? Qui est nisba. Est-ce que c'est un tamiz محول ou غير محول? Tu peux faire ce que tu veux. Tu verras qu'il n'a que il est غير محول. Il pourrait être que comment s'appelle tamiz. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on se pose كذلك une autre question. Est-ce que entre sahib tamyiz qui est anta et talib, est-ce qu'ils sont du même jins? Naam. Tam. Anta, yani il fait partie de tullab. Tam. Anta, yani c'est ana, il fait partie du genre de tullab. Tam. Ana talibin, je fais partie du genre de tullab. Dans ce cas-là, il a quoi? Entre les deux vies qui sont du même jins, dans ce cas-là, il est obligé d'être majrour. Anta afdalu talibin. Là, il est obligé d'être majrour bil idafa. Majrour bil idafa. Anta afdalu talibin. Afdalu mudaf. Wa talibin mudafun ilayhi. Est-ce que c'est possible de dire anta afdalu taliban? La yajuz. Pourquoi? Parce que talib, dans cette jumla-là, talibin, c'est un tamyiz, ghayr muhawwal, et il est du même jins que son sahib. Dans ce cas-là, c'est obligé qu'il soit pas majrour bil idafa. Ils ont évoqué une exception, on est obligé de l'évoquer par rapport à l'exemple qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit Zaydun akramu minka aban. Est-ce que c'est un tamiz dhat ou bien nisba? C'est un tamiz nisba. Muhawwal, ghayr muhawwal. C'est un tamiz ghayr muhawwal. Tu ne peux pas le hawwal en une autre chose. Est-ce que Zaydun, il fait partie du ab? Naam. Zaydun, c'est un genre, il rentre dans le genre des pères, il peut rentrer dans le genre des pères, ça c'est pas un problème. Donc ça, dans ce cas-là, vu que entre les deux, il y a, c'est du même genre, comme on a pu l'évoquer, le hukm, c'est qu'il est quoi? Que ab il doit être majrur bil idafa. Là tu peux me dire, lakin dans l'exemple, il a dit al mu'allif rahimahu ta'ala zaydun akramu minka aban. Et là il a mis mansoub. Normalement il aurait dû le mettre majrur parce que ab et Zaydun, ils sont du même jins. Ils rentrent dans le, Zaydun, ils rentrent dans le jins du Ab, dans le genre de père. Donc normalement, il aurait dû être majrour bil idafa. Là, on dit il y a un cas d'exception. Si jamais on ne peut pas faire une idafa, comme c'est le cas ici, parce qu'entre akaram, qui est ismu tafdil, et aban, il y a une chose qui l'empêche. Qui est quoi? Minka. Si jamais il n'y aurait pas eu minka, on aurait dit, mathalan, Zaydun akramu, on aurait dit Zaydun akramu abin. Zaydun akramu abin. On n'aurait pas pu dire Zaydun akramu aben. C'est impossible. Parce que Zayd et Ab, ils sont du même genre. Et là, on est obligé de le mettre le tamiz majrour bil idafa. Lakin, vu qu'il y a une chose qui l'empêche, parce qu'il y a un rempart entre les deux, entre akram et ab, qui est minka, là on peut pas faire de idafa. Parce qu'il y a une chose qui l'empêche. Donc si jamais il y a une chose qui empêche de faire al-idafa, même si jamais ils sont du même genre, comme c'est le cas ici, là qu'il y a une chose qui empêche l'idafa, qui est minka, dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub. C'est pour ça qu'ici il a mis mansoub. Le mu'allif, rahimahullah, tabarak wa ta'ala. Ça c'est la khulasa du tamiz. C'est un bab qui est un peu difficile dans le sens où il y a beaucoup de catégories. Donc on répète inshallah et le résumé il est bien inshallah avant de partir. Comme ça, ça remet le cours dans la tête. At-tamyiz yanqasimu ila qismayn. Tamyiz dhat wa tamyiz nisbah. Le tamyiz al-dhat, il est simple. C'est celui dans lequel il est évoqué une quantité. Mathalan, comme il avait évoqué, malaktu 20 na'jatan. Fa na'jatan huma, c'est un tamyiz dhat. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiffre qui a été évoqué. Donc à partir du moment qu'il y a une mesure, c'est un tamyiz qui est quoi? Qui est dhat. Le tamyiz al-nisbah, c'est celui dans lequel il n'est pas évoqué ni une mesure, ni un nombre, ni une surface, ni un poids, ni une pesée, il a khirihita. Ce tamyiz al-nisbah, il y a un qasimu ala qismayn. Muhawwal et ghayr muhawwal. Muhawwal, c'est celui à la base dont le tamyiz n'était pas un tamyiz, lakin soit un fa'il, soit un maf'ul bihi, ou soit un muqtada. C'est quoi le hukm du tamyiz al-nisbah ghayr muhawwal? Plutôt muhawwal, tamyiz nisba muhawwal, c'est qu'il est daiman mansoub. Donc on a un autre qism qui est quoi? Tamyiz nisba ghayr muhawwal. C'est quoi son hukm à lui? Il y a plusieurs ahkam, lakin on a évoqué l'ahkam dans le hukm dans lequel il a évoqué le ism tafdil. Il y a plusieurs ahkam, lakin on a évoqué un hukm parmi les ahkam, vu qu'il a évoqué lui dans les exemples, celui qui est en relation avec le ism tafdil. On regarde, est-ce que dans ce tamyiz nisba dans lequel on trouve un ism tafdil, si jamais le tamyiz il est du même genre, si jamais le tamyiz plutôt il n'est pas du même genre que le sahib tamyiz, dans ce cas là il est obligé d'être quoi? D'être mansoub, comme il avait évoqué ajmalu minka wajhan. Zaydoun c'est pas le même genre que le wajh. Le wajh et le zaydoun c'est pas la même chose, c'est pas le même genre. Donc là il est obligé d'être mansoub. Si jamais le tamyiz al-nisba ghayr muhawwal dans lequel il a été évoqué un ism tafdil bayna al-tamyiz et sahib al-tamyiz, ils sont du même genre, si jamais il n'y a rien qui empêche al-idafa, il est obligé le tamyiz d'être majrour bil-idafa. Anta afdalu talibin, c'est impossible de dire anta afdalu talibin. Lakin si jamais il y a une chose qui empêche al-idafa bayna al-ism tafdil wa tamyiz, dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub, même si jamais le tamyiz bayna al-tamyiz et sahib al-tamyiz ils sont du même genre. Comme il a évoqué avec l'exemple Zaydun akramu minka aban. C'est le même genre, Zaydun, il rentre dans le genre du père. Lakin là, il y a une chose qui empêche al-idafa entre akrama et ab, qui est quoi? Minka. Donc ça c'est la khulasa de ce qu'on a pu prendre aujourd'hui. S'il y a des questions par rapport au cours, inshallah, sinon on se contente de cela. Et le cours qui va remplacer le usul min ilm usul, inshallah, on le fera après avoir fini, inshallah, le ajramiyyah. Ajramiyyah, inshallah, à l'allure qu'on avance, on l'a bientôt fini. Là, je regarde dans le maths, il reste peu de choses. Lorsqu'on va arriver dans Bab al-Mahfoudat min al-Asma, ça va être vraiment un cours qui va être simple, qui se fait en une fois, parce que c'est vraiment simple. Afwan, je pense qu'il reste une. 2, 3, 4, 5, peut-être 5 cours. T'as 5 ou 6 cours. C'est-à-dire, Inch'Allah, en espèce d'un an, un mois et demi, t'as même. Histoire qu'on finisse cela. On finisse ce Ajromiya-là. Et ensuite, Inch'Allah, on prendra le cours à venir qui sera dans les doigts. Là, je suis en train de chercher le kitab. Je suis en train de demander au shir qui l'a écrit de m'envoyer le PDF. Donc, ça va demander peut-être un peu de temps d'avoir son numéro et la khiri. Donc, Inch'Allah, on reprendra le cours qui va remplacer le Usul Min Ilm Usul, qui sera dans l'Askar, Inch'Allah. Lorsqu'on aura fini le Ajrumiyyah, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on se contente de cela. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.